Michel, merci. Je vais faire une intervention pas trop longue, mais j'avais prévu deux, trois petites choses. Et je l'ai fait un peu tardivement. J'étais pas sûr de pouvoir venir pour des raisons de santé, comme vous en êtes aperçu. Donc j'ai préparé ça un peu tardivement. Donc je me servirai un peu de mes notes. Mais je voudrais évidemment débuter la journée en remerciant cette noble institution qui est malgré tout l'École des hautes études pour l'accueil. Accueil, ma foi, fort sympathique. Non seulement la salle, les chaises, le petit déjeuner. Non, mais ça paraît ridicule comme ça, mais on sait aussi que parfois il y a des lieux où on n'est pas forcément toujours le bienvenu, et lorsque l'on a cette possibilité d'être accueilli, il faut savoir le reconnaître. Donc oui, évidemment, le HESS, et puis qui nous offre ce temps de parole, une parole peut-être parfois un peu déviante, dont nous serons peut-être abusés, si l'envie nous en vient. Et je ne doute pas qu'elle nous viendra, cette envie. J'aimerais également remercier le CNRS qui nous apporte le sceau de son sérieux pour cette journée. Et puis, dans la période agitée que nous connaissons, évidemment, j'aimerais remercier tout particulièrement Michel qui, suite à un double contact, puisque je t'avais envoyé, je crois, la publicité pour la revue, a répondu et nous a proposé donc d'organiser cette journée. On a eu un peu de mal en fin d'année, mais ça se fait malgré tout maintenant. Nous te remercions de ta diligence et de ton entêtement, parce que c'est pas tous les jours simple d'organiser des séminaires comme tu le fais sur politique des sciences. Et on s'aperçoit que depuis 2009, la passion est bien retombée. Et lorsque des gens comme toi s'entêtent, ça permet également à d'autres de pouvoir s'exprimer et de pouvoir créer des liens. Donc je te remercie vraiment totalement aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais remercier ceux qui sont là depuis fort longtemps. Nicolas, évidemment, Fabien, Ronan. Je pense à Camille, qui n'est pas là, mais qui est là aussi depuis le début, puisque depuis 2003, nous sommes dans cette aventure, l'aventure d'Illusio, et c'est une aventure qui n'est pas simple, mais en tous les cas, c'est une aventure qui, je l'espère, ne s'arrêtera pas de si tôt. Et pour continuer sur ces remerciements, j'aimerais avancer sur ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est parti d'une idée simple, a priori. La journée d'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde a pu percevoir. Nous sommes dans une situation, dans une période de crise. Alors qu'est-ce que cela signifie? Parce que finalement, si l'idée était simple, le résultat nous paraît un petit peu fou aujourd'hui. Est-ce que l'on pouvait encore parler de crise? Ce terme de crise, tant la situation paraît globale, paraît totale, et permanente. Est-ce qu'il s'agissait d'une crise? Est-ce qu'il s'agit d'une crise? Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, la nommer différemment? En tous les cas, c'était l'une des questions. Est-ce que la crise est singulière ou est-ce qu'elle est plurielle? Est-ce qu'on parle de la crise ou est-ce que l'on parle des crises prenant des formes multiples, variées? Mais toutes, de toute manière, sont le résultat, a priori, d'un certain nombre de paramètres. Et elles sont toutes visibles pour des raisons qui sont des raisons que nous avons identifiées. Par exemple, il y aurait potentiellement des crises financières à cause du boursicotage, à cause des crashs, à cause de la crise des valeurs, des crises économiques à cause du chômage, de la délocalisation, de l'endettement, des endettements névrotiques, avec ce que cela entend par endettement, ce que l'on peut entendre par endettement. L'endettement, c'est l'endettement des ménages, c'est l'endettement des États, c'est l'endettement de multiples institutions. Pourquoi? Pour qui? Pour quelles raisons? Évidemment, les crises démographiques, avec des vieillissements ou au contraire des croissances galopantes, des crises de subsistance avec des désertifications, des appauvrissements, des émeutes de la faim, des crises climatiques semble-t-il, avec des conséquences comme les tsunamis, les raz-de-marée, les tornades, le réchauffement planétaire, des dérèglements en tout genre, pourquoi pas des orages. Des crises écologiques, avec des disparitions de certaines espèces, des atteintes à la biodiversité, à l'écosystème, ce que l'on nomme même l'écocide. Des crises technoscientifiques, avec la remise en cause de l'idée de progrès. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, plus que jamais, cette remise en cause doit être questionnée. Remettre en cause est une chose, questionner cette remise en cause en est une autre. Donc, remise en cause du progrès. Et puis, toutes les formes de dépendance, de contrôle. Et puis, évidemment, remise en cause de la vie même, avec ce que l'on appelle l'homme augmenté ou la vie augmentée. Remise en cause de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Crise politique, avec la disparition des idées et des projets potentiellement alternatifs au capitalisme. Montée des politiques autoritaires, gestion comptable des populations, et puis évidemment, la situation des réfugiés ou des Roms, que l'on ne peut pas aujourd'hui passer sous silence. Ces situations devraient donner à réfléchir et permettre d'ouvrir, peut-être, alors, mais elle est là, certains cahiers de l'histoire. Parce que effectivement, l'histoire a des choses aussi à nous apprendre, même si elle ne se répète pas. Crise culturelle, avec l'industrialisation, la spectacularisation d'éléments de culture. Crise de santé, santé publique, les nouvelles pandémies, les maladies professionnelles, physiques, psychologiques, etc. Crise religieuse, avec la nouvelle émergence des fondamentalismes, activismes religieux et autres. Donc, et sans doute, n'ai-je pas là fait, évidemment, un discours exhaustif. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. C'est pour vous dire, ou pour nous rappeler collectivement, combien cette situation aujourd'hui est une situation lourde de sens. Alors dans ce contexte, entreprendre un travail collectif de réflexion sur le thème de la théorie critique de l'école de Francfort, pour nous, ce n'était pas forcément faire l'exégèse de textes. Ce n'était pas forcément l'idée de revoir les textes anciens. Ce n'était pas l'idée non plus de sortir tous les classiques. On ne voulait pas faire l'histoire exhaustive de ce courant, même si, évidemment, il était indispensable de comprendre ce que nous disaient les premières, deuxièmes et aujourd'hui troisième génération de l'école de Francfort, de cette théorie critique. Mais l'idée était autre. L'ambition de ce numéro, et je parle d'un numéro de la théorie critique de la crise, l'ambition de ce numéro était de s'enraciner dans l'ici et le maintenant. Au départ, on pensait ne faire qu'un volume, et c'est là qu'on est parti, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une idée simple. Étudions sous l'angle de la théorie critique ce concept de crise. On voulait faire un volume, nous sommes, et nous allons faire 4 volumes, soit plus de 2500 pages de théorie critique. C'est un travail qui n'a jamais été effectué en langue française ici. En France. Je suis fatigué, moi, faut pas m'en vouloir. Ça n'a jamais été effectué en langue française. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Et surtout, ce travail a été fait également sur la volonté d'étudier, d'analyser, de réobserver ce que nous vivions. Alors je tiens à remercier, puisque c'est malgré tout ce que je voulais dire, je tiens à remercier tous les auteurs. Auteurs français, portugais, brésiliens, allemands, belges, italiens, américains, canadiens, j'espère ne pas en avoir oublié, ils me pardonneront. Tous les traducteurs qui ont participé à cette aventure, parce que c'est un travail phénoménal. Et qui a évidemment pris de l'énergie et du temps. Et j'en profite pour remercier évidemment ceux qui, parmi les auteurs de ces 4 volumes, sont là aujourd'hui pour faire part du travail, soit qu'ils ont fourni dans ces volumes, soit pour nous présenter un travail complémentaire. Alors, dans ce travail, oui, effectivement, nous voulions ne pas nous arrêter au texte lié aux membres de l'Institut. Nous voulions faire émerger les outils, les théories, les paradigmes, les concepts permettant d'analyser peut-être cette crise globale telle que nous la connaissons. Et cela nous renvoyait forcément à la première théorie critique de l'école de Francfort, celle qui avait analysé l'état crépusculaire de la société de 1923 à 1939. Et évidemment, cette génération qui analysa également par la suite les conséquences. Ce qui nous semblait aussi, et c'était sans doute le plus grave, c'est que cette théorie peut-être était devenue muette, pour paraphraser un texte du philosophe américain Moshe Postone, lorsqu'il dit « Marx est-il devenu muet ?» La théorie critique est-elle devenue muette ? C'était la question que l'on se posait. Et finalement, on a lancé un appel à contribution, et l'appel à contribution nous a montré qu'en contactant les différents auteurs, la théorie critique n'était pas forcément muette, ou du moins elle n'avait pas envie de rester muette. Et c'est peut-être ce qui nous semblait le plus important à dire aujourd'hui. Pour aller plus loin, et sans pour autant être trop agressif, je dirais que la revue remplit aujourd'hui, en l'espèce, un rôle, je l'espère en tous les cas, de véritable machine de guerre. C'est peut-être un peu ce que tu entendais aussi, Michel, tout à l'heure, lorsque tu parlais du séminaire, qui peut également être une machine de guerre, c'est-à-dire ne pas rester totalement entre soi, ne pas s'enfermer dans des espaces trop restreints, tenter d'aller vers un espace plus public, si on le peut. Donc cette revue est un lieu de rencontre, de formation, de transmission, de publication, pour reprendre les mots de Nicolas. C'est un lieu de lutte, mais également, j'espère, de création théorique et d'altération théorique. Parce que ce que nous avons tenté là, ce n'est pas simplement de reprendre la théorie critique de l'école de Francfort, mais c'est de faire venir aussi des intellectuels, des amis, Gérard, Anselme, qui se trouvent sur un versant qui est la théorie critique de la valeur et qui est, je crois, très complémentaire de la théorie critique. Et il me semble que dans ces travaux, en tous les cas, dans ces quatre volumes, ce qui réunit la grande majorité des auteurs est beaucoup plus important que ce qui les sépare. Et en conséquence de quoi, il me semble absolument indispensable de continuer ce travail au-delà des quatre volumes et de pouvoir s'aider et s'entraider dans toute initiative, que ce soit des initiatives de publication, des initiatives, pourquoi pas, de mise à connaissance par des séminaires, des colloques et des éditions multiples. Voilà. Alors, le projet de travail de ce théorie critique de la crise, donc il s'est posé à nous la question de l'existence ou de l'inexistence aujourd'hui réellement de la théorie critique. Est-ce que cette théorie critique, puisqu'elle était muette, est-ce qu'elle vivait encore ? Est-ce qu'elle avait encore un sens ? Oui, elle avait un sens, nous semble-t-il. Mais il fallait que cette théorie critique contemporaine puisse faire valoir des postures, encore une fois, avec cet ici et maintenant. Ce que nous connaissons aujourd'hui ne correspond pas à ce que nous avons vécu hier. Il faut que nous en soyons absolument persuadés. C'est-à-dire que si nous avons des bases théoriques à défendre, nous n'avons pas de réponse émanant des textes Krakauer, d'Adorno, d'Horkheimer, de Marcuse, etc. Nous pouvons avoir des pistes. Nous ne trouverons pas de réponse toute faite. Voilà. Alors, la théorie critique, comme je vous le disais tout à l'heure, est née donc dans les années 20, période de chamboulement qui mena vers l'inacceptable, l'indicible, l'imprescriptible, comme le rappelle le philosophe Vladimir Yankelevitch. Et puis, cette période qui retourna les êtres, les vies, les corps, les défis, les détruisit. Cette théorie critique est hétérogène. Elle est hétérogène tout au long du temps, jusque dans les années 70. Cependant, et c'est Rolf Wiggershaus qui dit cela, cette théorie critique, pour hétérogène qu'elle soit, a réuni les individus. Des individus qui pensent devoir rompre avec un mode, d'être et de penser. Et c'est ça qui est important. Sans doute que ce qui nous réunit ici, dans ce séminaire, c'est la conviction de devoir rompre avec un mode d'être et de penser. Et c'est là que se trouve finalement une malédiction. Une malédiction qui s'est imposée aux choses, comme aux hommes. Et cette malédiction, malheureusement, est aujourd'hui encore le nœud de nos interrogations. Alors, Adorno disait lui-même, il faisait ce constat, et je vais le citer, même si c'est un peu long, mais cette citation est tellement importante, et puis je crois que débuter sous l'égide d'une citation d'Adorno aujourd'hui, c'est pas forcément mauvais. Donc voilà ce que nous dit Adorno dans un texte qui s'appelle « Éduquer après Auschwitz ». Voilà ce qu'il dit. « Exiger qu'Auschwitz ne se reproduise plus l'exigence première de toute éducation. Elle prend à ce point le pas sur tout autre que je ne crois en rien avoir à la justifier. Je ne comprends pas qu'on ne s'en soit pas préoccupé davantage à ce jour. » Je vous rappelle que ce texte est écrit, je crois, en 64, quelque chose comme ça. « Lui trouver une explication serait monstrueux face à la monstruosité qui se produisit. Mais le fait que l'on ne soit guère conscient d'une telle nécessité montre bien qu'une telle monstruosité n'a pas pénétré profondément dans les esprits et qu'elle peut se répéter étant donné ce qu'est le niveau de conscience des hommes. On parle d'une menace, d'une rechute dans la barbarie, mais ce n'est pas une menace. Auschwitz fut cette rechute. Mais la barbarie persiste tant que durent les conditions qui favorisèrent cette rechute. La pression sociale, et moi j'ajouterai aujourd'hui la pression économique, politique, culturelle, etc., continue à peser même si la misère reste invisible. J'ajouterai qu'aujourd'hui la misère est visible. Elle pousse les hommes à l'indicible, qui prie à Auschwitz des dimensions historiques et mondiales, à la lumière de ce que dit Freud et qui pénètre jusque dans la culture et la sociologie. La civilisation engendre l'anticivilisation et ne cesse de la renforcer, évidemment. Les exemples abondants, sont désormais innombrables. Si la barbarie s'inscrit dans le principe même de la civilisation, il faut entendre ici notre civilisation, il faut sembler désespéré de vouloir s'y opposer. Voilà, la barbarie, nous dit Adorno, persiste tant que durent les conditions qui favorisèrent la rechute. La question est de savoir si aujourd'hui nous sommes capables d'identifier des événements barbares. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire, voilà, nous sommes en situation de barbarie? Si c'est le cas, est-ce que nous pensons que, comme le dit Adorno, les conditions qui ont permis Auschwitz perdure dans le temps? Et si c'est le cas, qu'apportons-nous comme analyse? Et qu'apportons-nous comme réponse in fine? Parce que si cette malédiction est toujours présente, elle continue de s'imposer donc aux hommes et aux choses, aux interrelations tissées entre les uns et les autres. Adorno disait que nous n'avions pas mené jusqu'à son terme le procès en révision rationnelle contre la rationalité. N'est-ce pas là le point essentiel de ce qui nous rassemble encore? Cette rationalité qui s'impose aux êtres et aux choses. Et comme le notait encore une fois Wiggershaus, telle est l'évidente multiplicité de tout ce qui s'appelle école de Francfort, qu'il y a toujours quelque chose d'elle qui est actuel. On est bien d'accord. Mais également, toujours quelque chose qui se révèle comme une entreprise inachevée, attendant qu'on la continue jusqu'au bout. La théorie critique, les théories critiques, celles de l'école de Francfort, la théorie de la valeur, etc., sont toujours inachevées. Elles sont inachevées parce que c'est ainsi. Les événements sociaux nous précèdent et que nous avons toujours à étudier ou à analyser ce qui est advenu. Donc la continuation de la théorie critique est nécessaire en interrelation avec la pratique, encore une fois dans l'ici et maintenant. Il ne faut pas oublier que certains auteurs de cette théorie critique ont parfois permis de nous éclairer, même pour cet ici et maintenant. Je pense à l'ouvrage d'Habermas, évidemment, avec son analyse des sciences et des techniques en tant qu'idéologie. Et puis, malheureusement, je voudrais rappeler que, parce que je vais essayer de faire court, que même Marcuse a cru dans les années 70 que l'on était en phase de dépassement de la société capitaliste, notamment avec les mouvements de 68, avec les mouvements étudiants, avec la montée du féminisme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Marcuse lui-même s'est trompé, ou du moins il s'est laissé bercer par un optimisme qui sans doute était le cadre de pensée de l'époque. Entre 66 et 75, effectivement, il y avait peut-être une forme d'optimisme. Alors, il reste à se demander si finalement c'est pas Horkheimer qui avait raison. Horkheimer qui va expliquer à propos de Son Rattel à Adorno qu'il ne souhaite pas que Son Rattel adhère ou participe à l'Institut et travaille pour la revue. Et il explique, il dit, « Il manque au candidat le regard aiguisé par la haine sur ce qui est en place. » C'est une phrase très dure, mais en même temps, c'est une position radicale. Radicale qui oblige le théoricien à obligatoirement se mettre à distance, à laisser de côté son empathie pour obtenir, coûte que coûte, une posture qui soit une posture critique, une posture théorique, une posture qui permette de construire, mais de construire sur de l'ailleurs, sur de l'autrement, sur de l'autre, sur de l'altération. Alors, évidemment, les deuxième et troisième générations, je dois vous l'avouer, de la théorie critique de l'école de Francfort, me semble un peu lointaine de cette haine nécessaire. Et je pense au deuxième Habermas, je pense évidemment à Axel Honneth, dont la pensée se rapproche à mes yeux dangereusement de certaines pensées postmodernistes. Sans doute qu'il faudrait imaginer une fois encore dans cette haine d'Horkheimer que nous pourrions analyser cette banalité du mal arendtienne, c'est-à-dire peut-être cette possibilité d'altérer ces théories d'Arendt et de la théorie critique. Ce serait sans doute un beau programme. Donc, on est revenu sur ce pessimisme radical, doublé de la haine horkheimerienne, pour ce qui est en place, comme il le dit. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer, parce que ce serait simple hein, dès à présent de dénoncer la société de surproduction, de surconsommation, celle qui détruit l'environnement, les chances de reproduction de la vie pour les décennies à venir, et de mettre à jour la réalité de notre société et la logique d'un processus entamé. Mais l'idée ici, ce serait sans doute, et j'espère que nous travaillerons dans ce sens-là, ce serait d'essayer de mettre en place une praxis, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir une pratique et une théorie en relation dialectique l'une avec l'autre. Ce serait sans doute, et je le crois, le meilleur moyen de continuer de travailler. Nous sommes aujourd'hui dans une... Je vais essayer d'aller plus vite, parce que c'est vrai que je m'aperçois que j'ai trop écrit. Voilà. On est aujourd'hui dans une situation qui est une situation dangereuse. C'est une situation, comme l'avait pointé Günther Anders, une situation de masse. Mais ce n'est pas une masse unie, c'est une masse atomisée d'individus qui, chacun de son côté mène une vie en dehors de tout intérêt pour l'autre, pour le voisin. Et Krakauer avait écrit quelque chose d'assez intéressant dans La théorie du film, qui est un grand ouvrage, je ne saurais trop le conseiller. Il dit donc à propos de la réalité vécue qu'elle est constituée de parcelles, d'événements aléatoires dont la succession tient lieu de continuité signifiante. Similairement, il faut voir la conscience individuelle comme un agrégat de restes de convictions et d'activités diverses. Et comme la vie de l'esprit manque de structure, des impulsions émanant des régions psychosomatiques peuvent venir combler les interstices. Des individualités fragmentées remplissent leur rôle au sein d'une société fragmentée. C'est joliment dit. Et comment être plus précis sur, finalement, sur ce que nous vivons? Et si on extrapole un peu, comment mieux comprendre la puissance que les pouvoirs aujourd'hui peuvent avoir sur les individus, pris isolément ou collectivement? Comment mieux expliquer cette incapacité que nous avons à nous retrouver pour mener des luttes, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir surtout faire? Voilà, donc la théorie critique aujourd'hui, à mon avis, ne peut éviter d'analyser et de se positionner face sans doute à une nouvelle phase totalitaire qui peut venir. Et quand je dis cela, je fais très attention à ce que je dis. Je fais référence à ce que j'avais écrit précédemment, notamment sur la superfluité, l'homme superflu. Je fais référence aussi à un certain nombre d'écrits. Je pense aux écrits de Cédric Biagini sur l'emprise numérique et sur le devenir de l'homme augmenté. Effectivement, tout cela peut être très inquiétant. Et pour reprendre quelques idées et quelques mots de Nicolas, je dirais que c'est en cela que ce travail collectif est plus que jamais important. Nous sommes, évidemment, nous, membres d'Illusio, et j'espère tous les autres, heureux d'être présents ici, accompagnés évidemment de personnes que nous connaissons pour certains, qui nous enrichissent et qui nous obligent d'une certaine manière à poursuivre, qui nous enrichissent par leurs idées. Marc, Florian, Gérard, Yann, puis qui intervient ? Philippe, pardon, Philippe, pardon. Je suis un peu... Philippe, mais Philippe n'était pas dans théorie critique. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. En tous les cas, voilà, et qui nous obligent par leur réflexion, par leurs idées, par leurs théories, à continuer. C'est-à-dire à nous frotter les uns aux autres, à frotter nos idées, à les faire émerger, à les altérer, à les faire grandir, à les faire croître, et à faire advenir un peu plus l'humanité de l'homme, en dehors de toutes les pressions et en dehors du temps et des lieux de domination que nous connaissons. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est moi qui prends la parole du coup. Voilà. Donc, nous avons commencé la première session après cette présentation un peu longue. J'en suis désolé, je pensais que ce serait plus court. Mais, je crois qu'il y avait deux, trois petites choses à dire. Et donc, cette première session donc, va parler de fantasmagorie, hein, fantasmagorie du capital et la destructivité. Ça reprend en partie le titre d'un ouvrage de Marc Berdet, qui est ici. Et qui va nous présenter donc un travail sur la fantasmagorie du capital. Voilà. Tu nous rappelles où tu es, Marc, parce que je ne me rappelle plus que tu étais à Valparaiso. C'est difficile à suivre, ouais, pour moi-même. Pour moi, tu étais encore un poste d'armes. Ah non. C'est pas le même endroit. Oui, mais c'est vrai. C'est aussi la campagne.